Bonjour à toutes et à tous, donc nous nous trouvons ici au départ du Courseton à Saint-Joseph-de-Rivière avec Déborah. Bonjour Déborah. Bonjour. Alors vous êtes ici à l'occasion effectivement du Téléthon, c'était important de se mobiliser ? Oui, c'est important, oui, puis pour les enfants aussi, qu'ils le sachent du coup à quoi ça sert, c'est important. Justement, il y a aussi cette dimension effectivement de, pas d'éducation, mais de sensibilisation, j'imagine, avec leur expliquer voilà, ce qu'est une myopathie, notamment les maladies neuromusculaires, et effectivement de se mobiliser et de transmettre, c'est important. Oui, c'est ça. Après, ils en parlent beaucoup aussi à l'école, avec les maîtresses, donc ils savent aussi un petit peu pourquoi ils font ça. Et justement, alors cette année, vous avez décidé de vous mobiliser, pourquoi exactement ? Alors moi, je le fais chaque année. Ma fille, quand elle était aussi à l'école, elle le faisait déjà. Donc le petit frère, il fait pareil. Voilà. Et j'imagine que vous vous soutenez aussi, peut-être annuellement ou comme vous le pouvez, peut-être financièrement également. Oui, oui, oui. Bah, tous les ans, on essaye. Voilà, c'est important. Puis les enfants aussi, comme ça, plus tard, voilà, j'espère qu'ils pourront continuer à donner. Voilà. Exactement. Un petit mot peut-être aussi pour nos auditeurs, auditrices, pour peut-être les sensibiliser, leur dire de donner aujourd'hui. Que ça concerne tout le monde, pas forcément les autres. Donc c'est important, voilà, si un jour on est dans le besoin, de savoir qu'il y a des personnes qui donnent, quoi, qui pensent aux autres. Super, merci beaucoup Déborah. De rien, merci, bonne journée. Bonne journée. Nous sommes toujours ici en direct de Saint-Joseph-de-Rivière au départ du Courseton hein, pour le Téléthon. Et je suis avec Charline. Bonjour Charline. Bonjour. Alors Charline, pourquoi vous mobilisez aujourd'hui ? Eh bien parce que j'ai mes enfants qui sont à l'école à Saint-Joseph-de-Rivière et donc on participe à cette initiative pour le Téléthon qui permet d'aider les enfants malades et de faire un joli geste en courant pour eux. Voilà. Alors justement, vous allez courir tous ensemble hein, aujourd'hui. Oui, c'est ça. Ils sont répartis, je crois, par classe. Et après, ils font, en fonction de leur âge, plusieurs tours. Les plus petits en font beaucoup moins que les grands, si j'ose dire. Mais c'est tout autant représentatif de l'envie qu'on a de participer à ça. Alors justement, quel va être le programme de cette journée ici, du côté de Saint-Joseph-de-Rivière ? Alors là, c'est plutôt, on est sur le rassemblement. C'est assez festif. On a de la musique, une équipe qui est là aussi pour les dons. Et puis après, on va se mobiliser. Et puis éventuellement, je vois une petite buvette pour se réchauffer, boire quelque chose de chaud. Voilà. Et justement, c'est important pour vous de soutenir le Téléthon ? Ah bah oui, bien sûr, c'est important. Hein, la cause de la maladie, voilà, je pense que ça nous permet, nous, en un petit moment comme ça, d'aider la recherche et de la financer. Donc non, pour moi, il ne faut pas hésiter. C'est très, très important même. On devrait le faire plus souvent, mais c'est de l'organisation. Voilà. Et justement, en parlant d'organisation, vous avez peut-être participé un petit peu à l'organisation de cet événement ou pas du tout ? Alors, moi, je travaillais. Donc, en toute franchise, je n'étais pas disponible. Mais je sais qu'on nous a proposé aux parents et encadrants pour les barrières, les ballons, installations de diverses choses. Oui, bien sûr. Voilà. Super. Un petit mot peut-être pour encourager nos auditeurs et nos auditrices à donner en cette journée importante ? Oui, et ben. Moi, je suis convaincue, donc voilà. Et on n'aimerait surtout pas en avoir besoin. Donc, penser aux autres, c'est important en ce moment. Voilà. On ne pense pas assez aux autres, je pense. Voilà. Oui, pas en avoir besoin, donc il faut et penser aux autres. Voilà. Super, merci beaucoup, Charline. Je vous en prie, avec plaisir. Merci à vous, bonne journée. Donc nous sommes toujours ici en direct hein, du départ du Courseton de Saint-Joseph-de-Rivière et je suis avec Amandine du côté de la buvette. Bonjour Amandine. Bonjour Maxime. Alors comment ça se passe ici tout simplement ? Alors moi je m'occupe du sous des écoles. Donc en fait aujourd'hui on propose aux enfants qui courent un chocolat chaud qui sera donc offert et puis on aura à proposer à ceux qui auront un petit peu froid du vin chaud, du jus de pomme chaud et du jus de pomme, voilà. Et donc les sous qu'on gagne aujourd'hui sont remis au Téléthon. C'était important pour vous de vous mobiliser justement pour cette journée ? Oui, on le fait chaque année, donc c'est effectivement une cause qui nous tient à cœur et donc voilà, pour une fois cette année, tous nos gains seront remis au Téléthon, ce qu'on faisait pas les autres années, mais oui, c'est une cause importante, chaque année l'école fait ce... Pas de problème, on va dire ce marathon pour le Téléthon, on va dire. Exactement, oui, les enfants se donnent à fond pour le Téléthon. Super, et à vos côtés, vous n'êtes pas toute seule, il y a aussi Anne qui est avec nous. Bonjour Anne. Bonjour. Donc pareil, c'était important pour vous de vous mobiliser aujourd'hui ? Également, oui, très important. Et justement aussi, il y a ce côté aussi, on l'a vu avec d'autres parents également, mais aussi, c'est important de transmettre, notamment aux enfants, ce côté solidarité, parce qu'on l'a entendu tout à l'heure, on manque aujourd'hui cruellement, on est dans une société qui devient de plus en plus individualiste, etc. Donc pour vous, oui, c'est important ? Oui, d'autant plus qu'ils se sont entraînés pendant des semaines à courir. Après, les parents prennent le relais pour apporter aussi un petit peu d'argent. Super. Ben, en tout cas, on vous souhaite une très très belle journée. Bonne préparation et puis ça sent bon en plus. et puis, à très bientôt. Oui, merci. À bientôt, merci. On est toujours en direct ici de Saint-Joseph-de-Rivière avec Martin. Bonjour Martin. Bonjour. Alors Martin, est-ce que tu peux nous expliquer l'événement d'aujourd'hui ? Le Téléthon et le Courseron servent à soutenir les autres pour les maladies ou les handicapés. Justement, c'était important pour toi d'être ici aujourd'hui ? Oui. Pourquoi t'as envie d'aider ces personnes ? Ça fait du bien aux autres et ça soutient, voilà. Et justement, est-ce que chaque année, tu soutiens cet événement ? Oui. De quelle manière ? Qu'est-ce que tu fais exactement pour soutenir le Téléthon ? Souvent, on fait la on court. Sur le terrain. Est-ce que tu aurais peut-être un mot à dire à toutes celles et ceux qui écoutent Radio Couleur Chartreuse aujourd'hui et leur dire que c'est important de soutenir ? Est-ce que tu aurais un petit mot pour les auditeurs et les auditrices pour leur dire de soutenir l'événement, par exemple? Tu sais pas? J'en sais rien. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Martin. T'as peut-être un dernier mot à dire, peut-être? Non. Ok. Bon, merci. Au revoir. Et on est toujours ici, en direct de Saint-Gilles-de-Rivière, avec Jérémy. Bonjour, Jérémy. Bonjour, Radio Couleur Chartreuse. Donc, vous êtes ici pour soutenir votre fille, hein, c'est ça, dans ce courseton aujourd'hui qui est organisé au profit du Téléthon. Oui, c'est ça, je suis venu, ma fille en CM2, et donc c'est la dernière année que je viens courir et encourager ma fille et tous les autres élèves aussi, en courant avec eux, dans l'idée de faire le plus de tours possible, et puis que ça se passe dans une bonne ambiance, et tout ça pour convertir idéalement en don pour le Téléthon, voilà. Justement, c'était important pour vous de vous mobiliser aujourd'hui avec notamment votre fille aussi. Et j'imagine qu'il y a aussi cette transmission qui se fait de dire c'est important de se mobiliser. Oui, tout à fait. Ouais, c'est important. Déjà, on fait partie du tissu associatif local. Mais là, de soutenir une bonne cause au niveau national qui parle à tout le monde. Donc, ça nous tenait vraiment à cœur personnellement et à tous les gens autour de nous, je pense. Voilà. Effectivement, donc on voit il y a beaucoup de monde, hein, tout le monde est pratiquement mobilisé. Vous avez peut-être eu des chiffres peut-être aussi, je ne sais pas si vous avez peut-être des chiffres sur l'année dernière, par exemple sur ce que vous avez pu récolter l'année dernière et s'il y a des objectifs cette année ? Non, alors honnêtement, je ne suis pas dans l'organisation de l'événement et je me souviens avoir vu le total de nombre de tours, du coup converti en nombre de kilomètres effectués par l'ensemble des élèves, mais je ne sais plus le nombre, voilà. Donc aujourd'hui, c'est vraiment juste pour le plaisir, on court, on se fait plaisir, on est là pour la bonne cause et voilà. Et voilà, et c'est le principal. Et ben, merci beaucoup Jérémy, peut-être un petit dernier mot avant de se quitter ? Écoutez, bonne fête à tous et à l'année prochaine pour ce courseton. Voilà. Même si moi j'aurai plus de filles en primaire, voilà. On reviendra pour soutenir tout le monde. Merci beaucoup. Merci, au revoir.